ma vie, je suis de plus en plus combattant et partant pour du meilleur, car je connais le pire sous l'emprise du triste, du malheur, du mal-être, car toujours vide et ma mallette vide de thunes, de bonheur, d'amour, mais pleine de larmes, de peur, de mauvais tours. J'écris pour résister, peut-être aussi pour exister, pour t'exciter avec de purs lyrics qui me protègent comme des manix quand je baise la vie et manie les mots un peu maniaque, car trop veulent me salir. Tu me trouves paranoïaque, mais chaque jour on me tire dans le dos, dans les pattes et dans mes roues on met des battes. Et ça m'épate de voir que la vie s'acharne en fer béton avec des armes qui touchent mon âme de plein fouet. Mais t'inquiète, je reste ce putain combattant, combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends, combattant, simplement combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends, combattant, simplement combattant. Contre vents et marées, ça te fait marrer, j'en ai marre et continue le combat, même perdu, car la vie au final nous aura tous à bout de souffle. On s'essouffle, on souffre, mais vaillant je veille à résister face aux problèmes. Je titube lorsque cette pute de vie m'entube, mais jamais ne chute, ne tombe ou ne trépasse, lancé dans la bataille en face à face. Jamais de faille dans mes techniques, le contrat c'est de niégage, j'applique la règle du quand on veut on peut. Et je veux vivre libre, réaliser mes dreams à l'aide de rimes pour survivre. Une fin heureuse, tel un beau livre. J'attends la fin du combat qui se livre. Acharné, compétent, résistant, persistant, combattant, tout simplement. Combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends. Combattant, simplement combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends. Combattant, simplement, avance dans la vie sur un terrain miné, 20 piges, mauvaise mine, mais toujours déterminé. Dominant mon destin, je l'espère du moins. L'espoir fait vivre, et heureusement, je raconte ma vie triste avec ses questions, mes quêtes et requêtes. Je répète que j'en ai marre, c'est bizarre, je m'interroge trop souvent la rage. Envie de me battre, de contester, de plus en plus rongé, enragé. Prêt à tout arracher pour mes semblables. Je te le dis sans blague, et fais pas semblant ici, sembler, y'a rien, t'es rien, sauf un terrien de plus. Dans la misère qui se terre et trop se taise, j'ai choisi le combat. Face aux épées, j'ai mon combat. Pas de coup bas, j'élimine les coupables et reste un putain combattant. Combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends. Combattant, simplement combattant, résistant, persistant, temps et temps, à travers le temps, c'est temps, temps, attends, entends, et prends le texte que je te tends. Combattant,